Bonjour, c'est Epistrophe. Je sévis actuellement en tant que MJ sur le forum Virtua JDR et j'ai décidé, à l'invitation du podcast Frankenstein, de me saisir de cette question: le MJ est-il un joueur comme les autres? Alors, face à ce sujet, je me suis demandé comment répondre oui. En effet, il semble assez facile de montrer que non, le MJ n'est pas un joueur ou une joueuse comme les autres, puisque dans le JDR traditionnel, le MJ a plus de responsabilités. Il conçoit le scénario, il joue l'univers et les PJ, et il s'implique davantage dans la préparation et la gestion des parties. Bref, le MJ a, comme on peut le lire dans le livre de base de la nouvelle édition de 7ème mer, une triple casquette. La casquette d'auteur, celle de narrateur et celle d'arbitre. Mais peut-être que tout cela n'est qu'une illusion, y compris pour le JDR traditionnel, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Pour le comprendre, il faut évidemment interroger ce qu'est un MJ, comme on vient rapidement de le faire, mais aussi il faut se demander ce qu'est un joueur ou une joueuse. Parce que c'est au final la seule manière de comprendre ce qui rapproche le MJ et les autres, et ce qui fait du MJ un joueur comme les autres. Parlons donc d'abord de la casquette d'auteur. Le MJ est bien connu comme celui qui peut avoir en charge la constitution du scénario, de la trame principale qui permettra à la partie d'avoir un début et une fin, et donc de la faire ressembler à une narration interactive. Au fond, le MJ est, dans ce cadre, un garde-fou qui permet à la fiction de ne pas devenir folle et de garder une structure qui puisse la rendre intelligible. Il sauvegarde la cohérence, il s'assure que le monde garde une trace de ce que les joueuses y ont fait, et propose des intrigues et des mystères aux camarades de la table. Pourtant, il est immédiatement clair que tout scénario préparé subit, à des degrés divers, et parfois assez profondément d'ailleurs, des évolutions en fonction de ce que font les joueurs. Si bien que même s'il ne s'en aperçoit pas, et même si c'est pas son but, la joueuse pousse le MJ à réorganiser les éléments de l'histoire en fonction de ce qui se passe. Et donc elle a aussi un rôle d'auteur, même s'il est plus indirect ou moins immédiat. Sans quoi, si l'on n'a pas ça, tout est sur des rails, et on peut se demander où est le plaisir de la joueuse. Est-ce qu'elle a une véritable liberté d'action? Et est-ce qu'elle peut savourer les conséquences de ses actes si l'histoire est prédéterminée et suit un déroulement inexorable? Ainsi, peut-être serait-il préférable de dire que le MJ partage une casquette de co-auteur avec ses joueurs. Ensuite vient le passage de l'auteur au narrateur. Il s'agit pour le MJ de décrire un monde, un univers peuplé de créatures et de gens qu'il imagine. Le joueur n'incarne alors qu'un personnage particulier parce qu'il n'est pas commandé par le MJ. Cependant, il y a fort à parier que tout MJ pense la scène qu'il raconte, et donc il voit dans sa tête des images de l'univers qu'il s'agit de décrire et de rendre vivant aux autres. Mais comme dans l'acte de lecture, les mots prononcés créent une image dans la tête de celui qui les entend. Sauf que l'avantage du jeu de rôle est que le lecteur peut participer à l'histoire en enrichissant l'image que le MJ a dans la tête avec des éléments qui sont présents dans sa tête à lui. Et dès lors, s'il s'agit par exemple de se battre contre un troll dans une grotte, on trouverait autant d'images de trolls et de grottes qu'il y a de joueuses, et le MJ est alors bien un joueur comme les autres. Il propose peut-être en premier certains éléments de la manière dont il imagine la scène, mais tout le monde finit toujours par élaborer en commun une image de la scène en prenant dans des éléments qui sont partagés. Ici, les systèmes propulsés par l'apocalypse sont précieux parce qu'en un sens, ils ne font que révéler cette illusion du MJ narrateur. Puisque tous les joueurs participent à la création de l'univers, autant créer des règles qui jouent le rôle de cadre dévolu d'ordinaire au MJ dans le JDR classique. Le PBTA tente alors de créer un système qui prend acte de cette co-incarnation de l'univers, et dans un tel système, on pourrait dire que le MJ est représenté par les règles du jeu, et il apparaît alors que le MJ, c'est bel et bien tous les joueurs. Enfin, le MJ est un arbitre. Il définit les règles, à partir notamment des règles écrites ou traditionnelles, et il s'assure de leur bonne application. Cette théorie du MJ nous amène à penser une fois de plus qu'il est exceptionnel, puisque tel un dieu, il crée et fait appliquer les lois de son univers. Cependant, la pratique du jeu de rôle bouscule immédiatement ce statut du MJ, tant les règles sont, presque à chaque partie, voire à chaque scène, discutées en même temps qu'elles sont appliquées. Et la joueuse qui s'excuse de négocier un avantage ou une position favorable pense déplaire au MJ alors qu'elle ne fait que montrer que les règles sont au service du jeu et non le jeu au service des règles. Et pour s'assurer que ce rapport demeure, il faut s'entendre sur les règles et en faire le terrain d'un débat qui permet à chacun d'incarner la règle et de l'appliquer en toute liberté. Certaines pratiques, comme le débrief de fin de partie, rejoignent aussi cette idée. Le joueur est alors en position de discuter de l'application de telle ou telle règle, et donc d'en comprendre le sens et l'intérêt avec les autres. Ainsi, en tant que MJ, je ne comprends pas vraiment pourquoi j'aurais un rôle d'arbitre plus puissant que celui des joueuses, même si les joueurs me demandent parfois de jouer effectivement ce rôle. Un dernier mot peut-être sur le style du MJ. Il y a de quoi donner lieu avec cette question à un sujet complet pour le podcast Frankenstein, mais disons simplement que ce qui peut, dans la pratique, séparer le MJ des joueurs et faire du MJ un joueur exceptionnel, c'est peut-être cet élément. Il est en effet possible de concevoir un MJ qui ne souhaite pas partager ses responsabilités et fasse en sorte de dominer la structure, le contenu et le fonctionnement d'une partie. Ce faisant, on s'assure effectivement que tout ce qui se passe a un sens, mais le risque, c'est bien que ce sens n'appartienne profondément qu'à une seule et même personne autour de la table, alors que le JDR est une pratique essentiellement sociale. C'est parce que je ne veux pas être ce MJ que l'on me taxe parfois de laxiste ou de gentil MJ, mais je trouve que la liberté dans le jeu est à ce prix. En vous remerciant pour votre attention, et en remerciant également le podcast Frankenstein pour nous proposer des sujets de réflexion stimulants et intéressants. À bientôt.